Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Je veux faire une petite exhortation. Cette exhortation concerne en particulier nos sœurs en Christ. Je vais parler ici des sœurs en Christ, les filles de Jésus, celles qui sont vraiment pour le Seigneur Jésus. Bien-aimés, je vais lire la parole de Dieu. Vous savez, c'est à propos de l'habillement. Comment s'habiller? Mes sœurs, il y a deux espaces. Je parle de deux espaces. Ma vie chez moi, ma vie à mon lieu de travail, ma vie au lycée, à l'université. D'accord? Je peux m'habiller comme je veux. D'accord? Mais, quand je m'en vais à l'église pour rendre un culte à mon Dieu, cet espace-là est sacré. Cet espace-là est sacré. C'est la raison pour laquelle, en Israël, lorsqu'on partait voir dans l'Ancien Testament le grand sacrificateur, il ne fallait pas amener une bête qui a un problème. Il ne fallait pas offrir à Dieu une bête qui a un problème. D'accord? Il fallait que la bête soit nickel, pas de défaut. Pourquoi? Une bête avec défaut, tu pouvais l'offrir à qui tu veux au quartier. Ce n'est pas un problème. Mais lorsqu'on allait voir le grand sacrificateur, il fallait que la bête soit nickel, pas de défaut. Ce n'est pas un mouton qui a un pied cassé. Hein? Ce n'est pas un mouton ou une chèvre qui a l'œil crevé. Non, non. Il fallait une bête normale, pas de défaut. L'espace église, lorsqu'on va dimanche offrir, rendre un culte à Dieu, c'est sacré. Ce que tu fais chez toi à la maison, c'est chez toi à la maison. Ce que tu fais dans ton entreprise, c'est là-bas. Mais lorsque nous partons à l'église pour rendre, offrir le fruit de nos bouches, l'adoration, la louange à notre Dieu, là, c'est sacré. Tu vas rendre un culte à Dieu. Quand tu vas à l'église, là, dimanche, tu t'habilles. Tu ne le fais pas pour les hommes. Tu fais pour aller adorer ton Dieu. C'est parce que tu es reconnaissante que Jésus, le Fils de Dieu, s'est sacrifié à la croix pour ton salut. Et tu te dis, aujourd'hui, c'est dimanche. Même si j'avais un programme, même si je voulais faire autre chose, mon Dieu d'abord. Ma soeur, c'est pourquoi tu vas à l'église dimanche. Pas pour les hommes, c'est pour aller offrir un culte à ton Dieu. Je vais lire un passage dans 1 Timothée au chapitre 2, au verset 9. La Bible dit ceci. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Je ne fais que lire la Bible. Ma soeur, que tu portes ces habits, n'est-ce pas, dans ton quartier ou à ton lieu de travail, c'est ton lieu de travail. Que tu offres une bête qui a des défauts à ton beau-père ou ta belle-mère, c'est ton problème. Mais ne l'amène pas à l'église. N'amène pas ça chez le grand sacrificateur. Parce que là, tu es en train de toucher Dieu. Ok, que tu portes ton pantalon chez toi, c'est ton affaire. Mais quand tu vas à l'église, ma soeur, tu vas à un lieu sacré. Et là, Dieu veut que tu aies une certaine tenue. D'accord? Mais pourquoi? Voici ce que Jésus dit. Matthieu chapitre 5, au verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle. Vous vous rendez compte, bien aimé, ma soeur, est-ce que tu vas à l'église pour que tes frères tombent dans l'adultère? Quand tu montes toutes tes formes là, ma soeur, toi aussi, dans l'église, tu as des frères qui ne sont pas mariés. Quand tu t'habilles chez toi pour dimanche, en dehors de l'église, fais ce que tu veux. Mais quand tu vas à l'église, tu dois te dire, il ne faudrait pas que ma tenue, quand tu regardes le miroir, il ne faut pas que mes frères tombent dans la convoitise. On appelle ça de l'amour parce que la Bible dit l'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne dit pas je m'en fous, c'est leur problème. Ça, c'est pas l'amour. L'amour ne dit pas ça, c'est leur affaire, ça ne m'agarde pas. Hein? Ils n'ont qu'à fermer leurs yeux. Ils n'ont qu'à fermer leurs yeux. Ça, c'est pas de l'amour. Tu dois te dire je suis la fille de Jésus. Il ne faudrait pas que je sois une occasion de chute à mes frères. Donc, quand tu t'habilles comme tu veux au quartier, c'est ton affaire. Mais quand tu vas à l'église, tout le monde va à l'église. Nous voulons être concentrés, focalisés sur Jésus. Nous partons pour lui offrir un culte qui lui est agréable. Il ne faudrait pas que ta tenue soit une occasion de chute pour ton frère. Tout dernièrement, je suis allé dans une église à Gennevilliers. J'étais assis au milieu de l'assemblée. Et comme la sécurité installait les gens par ordre d'arrivée, on est venu, la chaise qui était devant moi, on a amené une sœur qui est venue s'asseoir devant. Une sœur, gloire à Dieu. Moi, j'étais en train de prier. Je ne savais pas qui est assis devant moi. Quand j'ouvre les yeux, c'était une femme. Elle devait avoir entre 30 et 35 ans. Bien aimé, quand le pasteur va dire, levez-vous, on va adorer le Seigneur, le pantalon d'une tombait au milieu des fesses. Tout le string était dehors. Tout le string était dehors. Bien aimé, j'ai passé un sale moment. C'est-à-dire que du début du culte jusqu'à la fin du culte, il fallait fermer les yeux. J'ai fermé les yeux. Je ne pouvais pas ouvrir les yeux. Tout le string était dehors. Le pantalon tombait au milieu des fesses. Ce n'était même pas une fille de 18 ans. Elle a plus de 30 ans. Le pantalon d'une tombait au milieu des fesses. Tout le slip dehors. J'étais gêné. Même des femmes qui étaient assises à côté de moi, tout le monde était gêné. Tout le monde la regardait. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi cet habillement? Bien aimé, il fallait que je ferme mes yeux du début du culte jusqu'à la fin. Il ne fallait pas les ouvrir. Vous vous rendez compte? J'ai passé un sale culte. Et pas que moi, tous les frères qui étaient assis là et les femmes, tout le monde regardait cette femme. Il fallait la voir, elle dansait, elle chantait, elle dansait. Mon Dieu! C'est-à-dire que quand tu vas à l'église, tu es chrétien là, tu dois dire, Seigneur Jésus, je viens pour toi, pas pour les hommes. Mais il ne faudrait pas que ma tenue soit une occasion de chute pour mes frères. Il faudrait pas que ma tenue puisse empêcher mes frères de se concentrer. Parce que Jésus parle ici dans Matthieu 5 de la convoitise des yeux. Et Jésus dit, beaucoup, à cause de la convoitise des yeux, sont déjà même dans l'adultère, rien que par la convoitise. Mais toi, tu viens, elle avait un petit t-shirt, un jean qui tombe au milieu des fesses, le slip dehors. Mais attends, tu viens comme ça. Si c'était une église 100% femme, s'il n'y a que des femmes dans cette église, d'accord. Mais il y a des frères, il y a tes bien-aimés, ma soeur. Il y a tes bien-aimés dans l'église. Pense à tes frères, pense à ces gens-là, pense à eux. L'amour, Dieu nous a appelés à l'amour. Galates, le livre de Galates parle de l'amour. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour regarde l'intérêt des autres. L'amour ne dit pas je m'en fous, c'est leur problème. Je m'en fous, non, qu'à regarder ailleurs. Non. Donc il ne faudrait pas que ta tenue, quand tu vas à l'église, soit une occasion de chute pour tes frères qui seront dans la convoitise. Parce que tu as une décolleté qui montre les seins dehors. Parce que tu portes des tenues moulantes là. On voit tout le corps. On voit comment tu es dessiné. Mais les frères célibataires de l'église, pas bien aimés, pense à ces gens-là. Pense à eux. Ils sont dans la convoitise. Ils ne sont même plus concentrés à prier. C'est toi que tout le monde regarde. Et là, Dieu te tient pour responsable. Parce que chez toi, tu t'habilles. Si tu veux mettre des trucs moulants là, mets ça chez toi. Mets ça ailleurs, pas à l'église. Parce qu'à cause de ta tenue, beaucoup de frères n'ont pas pu prier. Ils étaient à fond dans la convoitise, dans l'adultère, comme Jésus le dit. C'est la raison pour laquelle, ma soeur, s'il te plaît, marche selon l'amour. Couvre ton corps comme il faut quand tu vas devant l'Éternel. Quand tu vas devant l'Éternel, quand tu t'habilles chez toi là, dites, ok, mes tenues là, ça c'est au quartier. Mais là, je m'en vais rendre un culte à Dieu. Je ne veux pas être une occasion de chute pour mes frères. Voilà comment raisonne une chrétienne. Il ne faudrait pas que ma tenue soit une occasion de chute pour mes frères. Il ne faudrait pas que ma tenue puisse les choquer. Il ne faudrait pas qu'à cause de ma tenue, ils puissent plus se concentrer. Moi, je parle ici de l'église. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, il ne fallait pas amener chez le grand sacrificateur une bête qui avait un défaut. Pourquoi? La bête qui avait des défauts, on pouvait faire avec ce qu'on veut au quartier. Tu le vois qui tu veux, que tu manges, que tu fasses. Mais quand il s'agit de la maison de l'Éternel, tu n'amènes pas une bête qui a un défaut. Il ne faudrait pas que tu t'habilles chez toi, au quartier, comme tu veux. Mais quand tu vas à l'église, tu vas là, il y a l'Éternel. Jésus a dit, là où deux, trois personnes sont assemblées à mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus est dans la salle. Nous partons pour lui offrir un culte. Mais toi, tu dois te dire, ok, j'ai mes tenues là. Il faut que je couvre bien mon corps. Pour l'église, afin de permettre à mes frères de ne pas tomber dans la convoitise. C'est ça l'amour. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne dit pas, je m'en fous, c'est leur problème. Je m'en vais voir Dieu. Mais non, Dieu te dit, couvre-toi parce que tes frères peuvent tomber dans la convoitise. Avant la fin du culte, j'ai dit aux gens qui étaient tout autour de moi, cette femme-là, je l'attends à la fin du culte. Quand on va dire Amen, moi je vais lui parler. Le problème, c'est que au moment où le pasteur avait demandé qu'on passe aux offrandes, elle s'est levée, elle a pris son sac, basta, elle est sortie. Je voulais sortir pour aller la trouver là-bas. Mais comme moi je n'aime pas partir d'un culte sans attendre la dernière prière, je suis resté, c'est comme ça qu'elle est partie. Vous vous rendez compte, beaucoup de frères qui étaient tout autour n'ont pas pu se concentrer à cause de cette femme. Bien-aimée, tu es la fille de Jésus. Tu cherches à plaire à ton Dieu. Et si tu veux plaire à ton Dieu, ne sois pas une occasion de chute pour tes frères. Moi, je ne te dis pas de ne pas t'habiller comme tu veux, mais quand tu vas dans la maison de l'Éternel, tu n'es pas la seule. Il y a des frères. Tu n'es pas la seule. Pense aux autres, l'amour pense aux autres. Parce que la Bible dit, l'amour ne cherche pas que son intérêt. L'amour ne cherche pas que son intérêt. L'amour se pose la question, est-ce que je peux être une occasion de chute pour mes frères? Si oui, alors je ne mets pas ce pantalon. Si oui, je ne mets pas cette robe. Ça me montre les formes. Je n'ai pas envie d'empêcher mes frères. Je ne veux pas que mes frères tombent dans la convoitise à cause de mes formes. Il faut que je les cache. Et quand je sors de l'église, je me retrouve au quartier, je fais ce que je veux. Respectez le lieu de culte. Permettez à vos frères de prier. Donc c'est ça que j'étais en train de vous dire, mes soeurs. Je ne suis pas en train de juger votre façon de s'habiller. Non, mais je voudrais tout simplement dire que lorsque vous allez à l'église, pensez à vos frères, pensez aux autres. Vous n'êtes pas seul dans la salle. Il ne faudrait pas que ta tenue soit une occasion de chute pour les hommes de l'église. Parce que je te dis, à l'église de Gennevilliers, cette femme-là empêchait tous les frères qui étaient assis derrière de se concentrer. Tout le monde la regardait. Le slip était dehors, le pantalon tombait au milieu des fesses. Et elle avait les formes, oui, elle avait les formes. Et il fallait voir comment elle dansait, comment elle tournait les reins. Et nous, les frères, on était assis derrière. J'ai été obligé de fermer mes yeux jusqu'à la fin du culte. J'ai passé un sale culte. Bien-aimée, ma soeur, tu es la fille de Jésus. Tu dois tout faire pour sauver tes frères. Il ne faut pas que tes frères tombent dans la convoitise à cause de ta façon de t'habiller. Ouvre-toi bien quand tu vas à l'église. Et quand tu sors de l'église, tu te retrouves au quartier, fais ce que tu veux. Mais quand tu es dans l'église, respecte l'endroit. Que Dieu te bénisse, bien-aimé.